Everything is wrong. Non, tout est OK sur le 895 de Dio. Radio Dio en direct, toujours du Parc Expo, hall A, hall B, hall d'entrée, plus précisément pour le studio délocalisé de Dio. Nous sommes en direct du week-end de la vie associative tout au long de cette journée de ce dimanche 7 septembre. Depuis ce matin, ouverture des portes 10h jusqu'à 18h ce soir. Et on boucle là la première partie de cette journée et de cette demi-journée. En l'occurrence, on va droit avoir un petit peu de répit, une petite pause d'ici quelques instants avec cette dernière rencontre, dernière interview de cette association pour ce matin. C'est le festival Face à Face que l'on reçoit avec Bruno B, un de ses représentants. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Dio. Merci à vous. Pour ce dernier rendez-vous de cette matinée, comme je le disais, on aura d'autres associations bien sûr invitées cet après-midi. C'est près de 13-14 associations qu'on reçoit tout au long de cette journée. Je le disais, infime représentation des centaines d'associations représentées sur Sueva, mais une petite sélection est faite pour tenter de, aussi d'avoir toute la palette là, des assos représentés sur ce week-end et cette journée notamment. Vous êtes plutôt dans le pôle et la thématique culturelle. C'est ça, oui. Pour Face à Face, qui est avant tout un festival que l'on connaît bien sur cette antenne, dont on a très largement parlé durant de nombreuses années et dont on va faire encore d'ailleurs la communication pour la nouvelle édition qui ne sera pas moins que la 21e. La 21e, c'est ça. Hein. Rappelez-nous peut-être un petit peu la genèse justement de ce festival, la façon dont il s'est mis en place, il s'est développé aussi aujourd'hui, parce que c'est aussi un rendez-vous important à Saint-Étienne, et ce en quoi il consiste. Son intention, son objectif, bref, présentez-nous Face à Face. Alors le festival a démarré en 2005, c'était quelques copains, une association coming out, et il y avait déjà un festival autrement gay sur le printemps à Saint-Étienne, mais c'était multiculturel, et nous on voulait quelque chose. Quand il s'est arrêté, ce festival, de créer quelque chose autour du cinéma, particulièrement du cinéma. Nous étions donc quelques copains cinéphiles, et à se dire que c'était important. Et puis en période aussi, parce que c'est un festival qui a pour œuvre de traiter les discriminations, de traiter les sujets sociétaux, l'évolution des droits, mais aussi évidemment de proposer un moment festif, culturel à Saint-Étienne. Donc c'est très important de le dire parce que de l'extérieur, quand on dit un festival du film LGBT+, on pense que c'est réservé à une communauté qui va traiter uniquement d'homophobie, de discrimination. En fait, c'est un moment de cinéma d'auteur, très culturel, avec un déroulement qui se passe courant novembre, parce que c'est la période idéale pour se faire une toile, on va dire. Hein. Voilà, donc on a lancé ça. Au départ, ça s'appelle des rencontres cinématographiques, parce que pour avoir droit à l'appellation festival, il faut avoir un événement qui se prolonge sur 3 ans. Hein. Voilà, donc, et on essaie de le faire fonctionner comme n'importe quel autre festival, c'est-à-dire avec une remise de prix du jury, du public, des trophées, avec un parrain ou une marraine. On a eu il y a 2 ans, par exemple, Catherine Corsini, la réalisatrice. L'an dernier, Janice Sarraoui, qui était le chanteur Slimy avant sa transition et qui maintenant est une autrice stéphanoise et qui était présente à la fête du livre l'an dernier, qui était notre marraine, voilà, de la précédente édition. Ouais. Et donc la prochaine, on ne peut pas le révéler encore. Pas encore, on est en train de visionner la plupart des films qui pourront faire partie de notre sélection, donc la plaquette n'est pas encore à jour, mais sur le festival faceaface.fr ou sur n'importe quel réseau social, en Face à Face, on trouve au fur et à mesure l'avancée de la programmation. Et c'est un festival désormais, on a dépassé largement, donc je ne connaissais pas la nuance, en tout cas la subtilité là, des rencontres à festival, mais à la 21e édition, vous pouvez dignement porter le nom et titre de festival en tant que tel. Face à Face, donc ce sera en novembre prochain. 14 ou 16. Du 14 au 16. Du 14 au 16. Les dates sont... Voilà, le vendredi 14, voilà, ça sera la soirée inaugurale au Méliès Café, tout d'abord, qui sera un pot d'ouverture gratuit pour faire connaître le festival et la programmation. Et puis un film patrimoine. On aime bien démarrer le festival par un film patrimoine. L'an dernier, on avait Laurence Anyways de Xavier Dolan, avec Melville Poupeau et Nathalie Baye, de manière à amener un public très ouvert et qui pour se rendre compte que le festival est effectivement des thématiques très larges, hein, sur, on va dire, l'amour sous toutes ses formes, on peut aimer, et voilà, et c'est pas limité à la communauté LGBT, bien sûr. Oui, et alors au-delà du festival ou de l'événement, il me semble que vous proposiez des séances assez régulières, mensuelles. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui, alors là, justement, au mois d'octobre, nous avons Colisée à Rouen, non, Colisée à Saint-Galmier, et l'Espace Renoir à Rouen, ce qu'on appelle les Toiles Arc-en-Ciel. Donc les cinémas sont très demandeurs, justement, de séances avec projection, avec un débat, échanger avec le public, association, sur le thème précis d'un film. Et ça permet aussi de faire connaître notre festival en dehors de l'agglomération stéphanoise. Alors ce qui vous réunit, c'est l'amour du 7e art et du cinéma, certes. C'est la raison pour laquelle vous proposez cet événement. Mais est-ce que l'association a d'autres, je dirais, vocations ou d'autres façons d'intervenir et de faire proposition sur ce champ tout de même aussi qu'est la lutte pour les droits, lutte contre les discriminations, et on sait combien c'est d'actualité aussi concernant la communauté ou la culture LGBTI+. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'intervenir? Oui, alors on travaille en lien avec d'autres associations, hein, Rondos 42, Actis, et notre but aussi c'est d'intervenir en milieu scolaire, dans les lycées, pour justement sensibiliser, notamment par exemple avec le film Young Arts sur Saint-Chamond cette année, où on peut effectivement convier des familles, des parents qui vont dire, oui, nous on peut être confronté à une situation de coming out dans notre famille, comment on va réagir, quelle attitude adopter, à quelle porte frapper aussi, parce que on travaille aussi avec le refuge, donc pour montrer qu'effectivement il y a le cinéma, mais il y a des personnes aussi qui peuvent être en souffrance, qui ont besoin de savoir à quelle porte frapper pour avoir de l'aide, hein, un soutien, un accompagnement. Oui, puis alors vous parlez de médiation dans les écoles, moi j'étais marqué bien sûr par cette actualité dramatique là, ce drame de cette enseignante que vous connaissez bien aussi pour ce métier, en tout cas de ce que j'ai compris hors antenne, dans le Cantal, qui vient de se donner la mort et qui a subi des discriminations, enfin il faut le dire, et des... Ça m'est arrivé aussi, hein. M'est arrivé aussi, j'ai reçu, lorsque j'ai postulé pour avoir une classe dans le quartier où je vis, j'ai eu des lettres de corbeaux, de menaces, en disant on était bien tranquille, qu'est-ce que vous venez faire dans cette école, enfin des choses extrêmement direct, en disant j'espère que les enfants ne les aimaient pas trop jeunes, enfin etc., des choses abominables. J'en ai informé ma hiérarchie, qui m'a dit on vous soutient, mais c'était juste trois mots, hein. Et à côté de ça, c'était si vous persistez à demander ce poste, vous devrez être irréprochable. Et ça fait énormément mal, parce que voilà, c'est-à-dire qu'en plus, voilà, j'avais un devoir supplémentaire parce que j'avais reçu ces lettres pour pas faire de vagues, en fait. Hein. C'est ça, c'est si ça se passe bien au mieux, voilà, faites en sorte qu'il n'y ait plus de... qu'il ne soit plus ébruité. Quoi. Voilà. Et ouais, ça, c'est assez... Enfin, là, c'est dramatique, enfin, c'est le cas aussi de Caroline Grandjean. Oui, bien sûr. Non, mais on a un renversement de situation, mais comme vous le dites, à un moment donné, c'est quasi presque l'institution qui devient victime, on assiste à des choses... hallucinante, tout c'est simplement, ça. Quoi. Ouais. Au-delà de ce point, on parlait de mise en réseau avec les associations locales, qui est effectif et qui travaille énormément, on va dire, sur ces questions des droits à l'occasion d'événements divers et variés. C'est peut-être le cas pour le festival, mais c'est le cas aussi sur d'autres événements qui fédèrent peut-être. Je pense à la Journée internationale contre l'homophobie. Je pense à tout de même, ce qui est plutôt une réussite, un succès à Saint-Etienne, c'est cette fête des fiertés. Fête des fiertés, Pride, qu'on appelle maintenant comme ça, la marche des fiertés, sur le mois de juin, qui effectivement attire un public parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de la provocation qui pourrait être, crainte, mais c'est au contraire une démonstration, une affirmation modeste, hein, d'une existence de communautés diverses, d'une ouverture d'esprit. Et on travaille aussi justement avec la Boge, par exemple, pour faire connaître justement un milieu étudiant, un milieu qui des événements, et par curiosité de venir voir et de se rendre compte qu'il y a un espace de débat qui est ouvert à tous et que c'est pas une communauté qui propose quelque chose, qu'on a aussi à recevoir beaucoup de l'extérieur, on va dire. et puis surtout des associations qui, et donc là, on parlait de l'actualité dramatique, mais démontrent à quel point il s'agit encore d'être visible, de défendre les droits et que ce soit véritablement engagé aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. On voit qu'il y a encore énormément de, bah, finalement, de travail à faire aussi pour changer les mentalités, changer les regards. Oui, et je pense qu'en période de crise, il y a un repli sur soi et beaucoup plus de difficultés à faire la démarche d'ouverture, d'écoute de l'autre, dans sa différence. Je pense que tous les droits ne sont jamais définitivement acquis parce qu'il suffit qu'on traverse une période un peu plus trouble pour que justement on se dise qu'on a d'autres choses à gérer dans sa vie sans avoir à s'intéresser à ce qui se passe autour. Oui, ou en tout cas où des divisions ou des clivages qui peuvent à nouveau réémerger, mais où on réapparaissent aussi. Parfois c'est alors justement là, ce drame récent qui vient à nouveau démontrer à quel point aussi parfois malgré que les choses avancent, qu'on en parle davantage, malgré tout on assiste à aussi encore davantage d'actes homophobes, de gestes, je dirais. C'est parfois un euphémisme de le dire, mais discriminatoire, quoi. Oui, et je dirais que c'est pas forcément très visible. Bon, ça peut être de l'homophobie cachée, c'est-à-dire que si vous êtes dans la communauté, que vous proposez un événement, quelque chose, et ben on détourne le regard, ça n'intéresse pas. Menez votre vie de votre côté et nous de la nôtre. Donc c'est une forme de discrimination, mais qui ne dit pas son nom, parce que les gens savent maintenant qu'il peut y avoir des procédures engagées, s'il y a des insultes, s'il y a des coups, etc., évidemment. Mais parfois, c'est simplement de l'indifférence, en fait, qui fait surface par rapport à ce que une communauté peut proposer. Avec vous, 20 ans, 21 ans d'existence pour un festival, qui n'est qu'un festival, mais c'est déjà beaucoup, comment vous appréciez un peu justement l'évolution des choses sur ces, peut-être sur ces questions, mais je dirais même localement, c'est-à-dire la prise en compte, soutien ou non de, je sais pas, de l'institution, de... Alors nous avons toujours un soutien régulier du conseil départemental, de la ville. Et quand je parle de soutien, oui, il n'est pas que dans pas que dans le côté la contribution, financier, je dirais, voilà, à l'événement. Bien sûr. Je parle aussi de voilà. Enfin, vous avez compris, bien sûr. Parce qu'on souhaite vraiment cette année ouvrir la 21e édition à un très large public, en parler autour de nous, parce que même nous, quand on parle du festival, on pense que c'est réservé, c'est un peu comme une association qui va œuvrer contre la sclérose en plaques, etc. On va dire ça concerne que les gens vraiment directement impliqués. Non, on veut que justement que les gens par curiosité viennent nous rencontrer, échanger et aborder des thèmes aussi, ce que eux peuvent nous apporter aussi, parce qu'ils peuvent être en questionnement eux-mêmes sur plein de choses. Donc, et c'est pour ça qu'on a travaillé par exemple avec les jeunes d'Unicité en service civique, justement, qui travaillent spécifiquement sur le cinéma, et c'est un volet qu'ils voulaient exploiter. Oui, et je disais sur le soutien, est-ce que vous estimez suffisant aujourd'hui, quand on parlait de l'institution par exemple, est-ce que véritablement il y a le soutien derrière, il y a de véritables, je dirais, politiques aussi engagées en la matière? Suffisante, insuffisante, sur quel point, enfin, comment vous appréciez un peu? Oui, alors bon, sur la communication, c'est relativement bien fait en amont, les campagnes d'affichage, les panneaux lumineux, etc. Et puis les rencontres avec les élus et autres, on arrive à s'installer, on va dire, sur Saint-Étienne, ce festival face à face. Donc, mais il y a toujours un travail de communication à faire autour. Mais au fil des années, on s'est peut-être davantage recentré sur le cinéma. On a beaucoup moins d'événements off, justement, qui seraient peut-être plus communautaires. Là, on est vraiment dans les films d'auteur. Très bien. Merci beaucoup, Bruno B. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, si besoin, sur lequel un point ou autre, sur lequel vous auriez mieux davantage... Notez dans vos agendas, 14, 15, 16 novembre, au Méliès Jean Jaurès et au Méliès Saint-François. La soirée inaugurale est gratuite au Méliès Café, avant le film Patrimoine, le 14 novembre 2025. Et puis, retrouvez-nous sur le site festivalfaceaface.fr. 21e édition attendue en novembre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. En vous souhaitant une bonne édition, du coup, face à face 2025, et puis une bonne suite de journée ici sur ce week-end de la vie associative. Merci à vous. Merci beaucoup.